Ton corps est bien détendu et sans histoire. Tu files sur l'étendue de ta mémoire. Et tu es là étendue dans l'eau de ta baignoire. Le repos tant attendu apaise tes déboires. De calme ta peau, apaise un peu le temps qui passe, car toi tu n'as plus le temps de traîner tes godasses. Et tu es là étendue dans l'eau de ta baignoire, le repos tant attendu apaise tes déboires. Ailleurs et l'ennui, tu veux que s'évapore le ralenti de ta vie. À te faire passer la pilule de tes amours trop tendres, à fuir de leurs tentacules, tu es prêt à te pendre. Et tu es là étendue dans l'eau de ta baignoire, le repos tant attendu apaise tes déboires.